Cela ne pouvait durer ainsi. Un soir, je vois encore le clair de lune flotter sur la ligne noire des marronniers balancés au vent. J'entends encore, sous les allées, le bruit mat et sourd des marrons tombant sur les gazons, déjà couverts de feuilles mortes. Un soir, j'étais accoudé près de Sariette, au balustre du pré rond de pierre qui menait de sa chambre au jardin. Dans sa chaise d'osier, à l'abri du serein, grand-tante semblait sommeiller. Plus courageux, à cause de l'obscurité, et peut-être aussi ma rancune s'amollissant aux pénétrantes mélancolies de l'heure, j'osais dire ce mot « cousine ». À quoi Sariette répondit « Plus bas, cousin, plus bas, vous réveilleriez le lino. » « Le lino ? » « C'est vrai, le lino. » « Ainsi, le lino vit toujours. » « Il vit toujours, cousin, et gazouille mieux que jamais. » J'avais pris la main de Sariette et je lui parlais du lino. Cette idée que notre lino était là me donnait une singulière audace. Je n'avais plus peur, mais plus du tout. Je retrouvais la vraie Sariette, la petite fée d'autrefois que j'avais tant portée dans mes bras pour lui faire franchir les ruisseaux. Quel transport me prit ? Comment osais-je ? Je l'ignore. Mais tout à coup, dans le silence de la nuit, retentit le bruit d'un baiser aussitôt couvert sur nos têtes par la plus triomphale aubade dont jamais lino ait salué le réveil du jour. « Oh, mon cousin !» dit Sariette, plutôt surprise que fâchée, tandis que grand-tante, se frottant les yeux, soupirait. « Que se passe-t-il ? C'est la fin du monde ! Un lino qui chante à minuit !»